seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Révolution Urbaine. Révolution Urbaine de retour dans le studio. Comment ça va, messieurs? Ça va, en pleine forme après cette grosse soirée hier. Oui. Avec Sopra qui est passé, avec Kenza qui était là aussi. Oui, c'est ça, on a présenté deux nouveaux morceaux, deux featuring de notre album hier. Bon, on est le 1er mai, mais on est en direct, hein, 19h53, 25 secondes, 26 secondes, pour vous prouver que Révolution Urbaine sont la même le 1er mai, pas de jour férié. En même temps, dans la musique. On travaille tout le temps. Toujours. C'est un peu rare les jours fériés, non, dans la musique. Ça charbonne tout le temps. Les week-ends, les trucs. Ça n'existe pas. Les RTT n'existent pas. Ah, c'est la mèche qui témoigne. Il est là, DJ La Mèche. Il est là. Il est venu au micro. Tu as quelque chose peut-être à dire? Non, comme ils m'ont puni hier. Bah oui, c'est ça. Je me suis révolté. Voilà, tu. Tu peux, toi qui es le ciment du groupe. J'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dévoiler comme petit dossier peut-être sur certains membres du groupe? Peut-être chose qu'on ne sait pas, on est jeudi donc. Jeudi confession, 30. Je vois Zino qui fait genre, moi. Calme. Sinon, on partage souvent notre chambre. Non, sinon, j'aime du truc. Non, il n'y a rien de méchant, c'est bien cool. Il n'y a que Zino qui est un peu bordélique, mais sinon, c'est bon. Ok, c'est bien, tu t'en sors bien. Pas mal. Bon, ce soir dans l'émission, j'ai l'impression que vous n'êtes pas venu seul. Ouais, on est venu avec toute la familia de Marseille à Paris. Est-ce que la Guiri Mafia est là? Est-ce que la CBR Click est là? Tout le monde, il y a tout le monde. CBR Click, Livka, Amin au Mike, 1143 qui sont sur la route. Voilà, toute la famille de Marseille, Gaza qui sont sur la route. Bon, l'ambiance marseillaise, vous manquez tellement que vous les avez fait venir ici. C'est ça. Ouais. Ce soir, ils vont te montrer comme ils sont chauds. Et bon, on va découvrir le live tout à l'heure. Gros live de prévu, gros freestyle de prévu. Ouais. À pas louper vos messages avec le hashtag rue sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio dans un instant. On fait maintenant le replay. On peut balancer le replay. Voilà ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Petit replay, petit retour en arrière, notamment de la partie live hier soir dans Planète Rap. Tu rêves de vivre ta vie à fond. Okay. Tu devrais faire attention. Yeah. Sois pas pressé de croquer le mot. Yeah. Que je dis non. Tu me dis Tous ceux qui s'engraissent, bien sûr te diront. Vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran. J'ai plus ce qui me choque le plus de toute façon. Un homme avec des uns ou bien du cochon dans le poisson. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Maman change de chaîne, ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé. T'inquiète pas, je vais quitter pour que le monde entier voit le QI de ton bébé. Le monde est énorme, ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos têtes, on vit au parti. Lieu de colère, lieu de valeur, mégadis, on se lève. Là où on vit, là où on meurt. Coca cristalline, j'dentile, pendant que tu t'es dans l'envile. Le peur à rap pour des centimes, sans pitch, rap de récès, tu me ventiles. Mon but niquer des 100 kilos sans fil, sur écoute et tu te confies. Fermez ta gueule, qu'est-ce t'en dis? Ça fait 10 piges, j'y pense et j'suis gentil. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. Voilà, petit aperçu de ce que vous avez loupé en live. C'était chaud. Ou alors que vous avez écouté et peut-être même vu, puisque la vidéo est dispo depuis quelques minutes, Momo. Momo, il a fait le 1er mai aujourd'hui. Il s'est dit, je vais mettre la vidéo tard. Merci, Momo. Donc là, elle est dispo. Donc voilà, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce freestyle et de ce live hier soir sur skyrock.fm et sur leplanetrap.skyrock.com. Oui. Bon, on débute avec No Life. On débute avec No Life. Allez, coup d'envoi. C'est extrait l'album qui sort dans 4 jours maintenant. 4 jours. Le 5 mai. Déjà en précommande, la famille. Formaté par MTV Base, Steve Jobs et le groupe Bilderberg. La drogue et de la bouffe de synthèse pour un cancer à la trentaine. Génération cocaine, MDM à Lil Wayne. Tapé comme des rockstars, on veut peser jusqu'à The N. Qatar et Chine pour un monopoly de l'Europe. Et moi j'attends Marseille en nouvelle map sous Call of. Ils annoncent la neige dans les Caraïbes cet automne. Disney fabrique d'enfants stars pour Gomorrah et Sodome. Tu demandes pourquoi l'or se rachète. Pourquoi êtes-vous si bête quand les billets remplis on les brouettes pour une baguette. Nous tout ce qu'on veut c'est faire la fête. Et les réalités peut-être en pas de réchauffement de la planète. J'peine à réaliser mes rêves. Marre de trimer, à se défoncer au taf. Enfermé dans nos idées. Génération No Life. Le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire. Donc t'es bien dans tes godasses. Marre de trimer, à avec une pyramide dans le cul. Plus de voitures à la chaîne, moins de fuel pour rouler. Peut-être qu'on verra Ben Laden au bord de la plage. Et puis après, moi je me demande où l'on vit. En France à ce que l'on dit, même si Marseille a des allures de Colombie. Il paraît qu'il reste plus beaucoup de temps pour les traîtres. Une pensée pour le pape qui est parti en retraite. Tous ceux qui s'engraissent, bien sûr te diront, vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran. J'sais plus ce qui me choque le plus de toute façon, un homme avec des ins ou bien du cochon dans le poisson. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Maman change de chaîne, ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé. T'inquiète pas, j'ai bien tweeté pour que le monde entier voit le QI de ton bébé. Dopé, dopé, dès le petit déjeuner, shit. Antidépresseur riche en fibres pour affronter la journée. Stoppé, stoppé, l'aigu du temps est impossible. Me faut du botox anti-ride pour l'éternel beauté. Le monde des hommes est complètement fou à force d'en mettre plein la vue. L'avenir est complètement flou depuis les Facebook, Twitter, Instagram. Y'a pas qu'avec le shit que les neurones sur l'instant crap. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire tant que t'es bien dans tes godasses. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est le cash. Toi t'en as rien à faire. Génération no life. Ok, l'argent fictif sur Winamax traverse la Manche via PokerStars. La routine on en a marre, je peux faire le tour du monde en Vespa. C'est fini les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace. Sur la lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'extase. Un pouce qui prend des paris, bientôt des Big Mac en Somalie. L'être humain est ses manies, mais que va devenir ta mamie? Les instituteurs les manis, les restos du cœur les manix. Des barbares et des sidaïques, des petites rapas qui jouent les caïds. Du shit dans les caddies, les femmes en lingerie, les barbus. I am in a Bila en nouvelle égérie, je barbie. Puis sans lit par la racine, oh, prof de mathématiques. C'est l'enfer juste derrière la rue Paradis. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire tant que t'es bien dans tes godasses. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est le cash. Le 5 mai, c'est dans les bacs. Le 5 mai, dans les bacs, Cheval de Troie à découvrir cette semaine. C'est dans 4 jours, Cheval de Troie dans les bacs. Hein. Ça approche. Ça approche, messieurs. Ce soir, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ce soir, il y a voilà, des, la famille marseillaise un petit peu. Hein. Toute la relève du rap marseillais. On est là. Il y a les quartiers nord, les quartiers sud, le centre-ville. Tout le monde est venu représenter aujourd'hui. Ça, c'est vrai que ça a toujours été quand même, même s'il peut y avoir parfois quelques petites tensions, mais c'est vrai qu'à Marseille, il y a toujours eu l'envie d'aider un petit peu les autres et de mettre en avant les autres. Et qu'on a peut-être un peu moins, nous, ici, justement. Moi, je pense que nous, quand on était un peu plus jeune, on va dire, même si on est un jeune groupe, quand on était plus jeune et qu'il y avait des rappeurs un peu plus grands qui passaient sur Sky et qui nous invitaient, ça nous faisait plaisir. Et voilà, on s'est toujours dit qu'un jour, Inch'Allah, si on avait un planète rap, on mettrait de la lumière un peu sur les rappeurs. Donc il y a beaucoup de monde ce soir. Il y a vraiment beaucoup de monde, ouais. On présentera un petit peu tout le monde tout à l'heure dans l'émission entre 20 et 21 sur Skyrock. Et on a une petite question à vous poser, puisque chaque soir, hier, on ne l'a pas fait. Parce que hier, il y avait beaucoup de monde et on était pris un peu par le temps. Oui. Mais ce soir, donc, elle est carrément double album dédicace à choper. Si vous répondez à la question, et c'est Machiavel qui a eu cette très bonne idée de question, qui me l'a soumis, je crois que c'est hier ou avant-hier. Donc c'est toi qui vas poser la question, Machiavel, on t'écoute. Bah, donc il y a un chinois en fait dans la pochette, le Cheval de Troie. Cherchez. Big up à lui d'ailleurs. Tu ouvres la pochette, il y a l'album, hop, et un chinois qui sort. Non, c'est vrai, il y a un chinois en uniforme en fait sur notre pochette. Ouais, sur la pochette, ouais. Sur et le visuel qu'on peut voir sur aussi le sur visuel. Le net, hein, un peu partout. Voilà. Et on le retrouve en fait sur le clip Génération No Life avec Sopra. Et la question c'est à quel moment du clip. À quelle minute précise et quelle seconde. Ah oui. Ah c'est non mais fais pas de signe. Fais pas de signe, t'es filmé. Ils ne peuvent pas mettre play encore. En même temps j'ai pas tout revu. J'ai des trucs 2, 3, 4, 5. Bon alors attention, oui, c'est très technique. Je pense qu'il va falloir aller mater le clip. Hein. Ouais, c'est ça. Pour être très précis. Génération No Life, No Life Fit Soprano. À quel moment apparaît le chinois de la pochette. Le chinois de la pochette. C'est ça. Sur le clip Génération No Life. C'est ça. Allez-y, envoyez des messages 41759 avec le hashtag russe sur Skyrock. Je vois Fab là qui est en train de me dire oh putain mais la réponse. Allez, vas-y, vas-y, allez mater le clip et tiens, on commence à avoir des propositions. On dit rien pour l'instant. Allez-y, vous balancez. Vous avez le temps de ce morceau maintenant qu'on va mettre extrait de l'album de Révolution Urbaine, messieurs. Zubrowska, je crois. C'est ça, c'est Zubrowska. Oui, on a déjà eu l'occasion de le faire écouter en live. Pour nous, voilà, c'est ce qu'on appelle du vrai rap, autant que la Zubrowska. Donc c'est exercice de style, c'est ça, voilà. Ça kick. Ça kick, c'est exercice de style, ça, celui-ci. Alors, on l'écoute maintenant, c'est extrait de l'album Cheval de Troie qui sort lundi. Ok. Le monde part en couille, ils veulent tous se faire enculer. Michetonné par une poule ou cuisiné par un poulet. Elle te fait courir, tout ça parce que t'es fou d'elle. Sache que pour un manteau de fourrure, elle pourrait se faire fourrer. Ton malheur fait le bonheur de ceux d'en face. Nos rap, nos vies, je crois que tu confonds face aux flics. Aux cibles, dis-moi que veux-tu qu'on fasse. Et pour le pédophile, le viol est un jeu d'enfant. Faut choisir entre rap et dîme. À vrai dire, on est tous perdus depuis l'âge de la pétine. Ceux qui disent n'en ont rien à foutre du marketing. Les mines n'ont pas qu'à dire, change de chemise à la braquetille. Tu oublies que tes parents t'aiment. Tu déprimes parce que t'atteins la quarantaine tout le temps. T'as l'air content et tu t'en comptes en deux. Pourtant c'est l'avenir des autres que tu contemples. Bienvenue dans la ville où tout crame. À l'heure où ils sont tous calmes. Paralysés, le temps de réaliser qu'on est peut-être calibré. Pas besoin de nous câliner. Ici c'est shoot star au calme. Père de Hogan. Et les combos veillent sur Notre-Dame. Analyser, la zone est balisée. Mon centre-ville est prêt à foutre la merde s'il y a des obstacles. Microcosmos illégal. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dis par quoi t'es tenté. Opéra, gosse, Rudolf. Impossible d'y marcher à l'aise comme ça, foire et brigandé. Armé, mec dans ville. Les quartiers nord au quartier sud, ça kill. Allez, on débile. Pas les consignes pour que dans le sud, ça kick, bitch. Tire en l'air si tu veux effrayer les oiseaux. Roule-toi par terre ou mets un coup d'épée dans l'eau. Le rap s'apprête à faire un truc légendaire. Dans 5 pigeons, rap avec tes grands-pères. Tu crois qu'on dort, mais bien sûr qu'on élabore des classiques, des métaphores et tactiques, on met d'accord. Tu veux jouer, t'es nul comme un bleu. Je te fous la honte et là tu t'arrêtes rouge comme un feu. À vrai dire, y'a personne qui nous fait peur. À part le bon Dieu, non, personne qui nous fait peur. Un grain créateur, un brin fédérateur. Des jeunes rappeurs balayant les prédécesseurs. J'excelle dans ma discipline, je te laisse les déficits, pour toi c'est difficile. Je m'en bats les couilles de dire ce qu'ils pensent tout bas. Je m'en bats les couilles de mon blast, c'est le même que Tupac. Marseille, synonyme de la ville rebelle. Ça passe la nuit au check ou dans les discothèques. Toujours un flip au bec et des bouteilles qu'on pète. C'est la victoire qu'on fête. Même à 6h du mat, j'suis tous les jours en fumette. La concurrence est trop naze. Vous aurez bien fumé, dommage. Et Tilix sera le coma. Balewing du Mouet. Envoie la Zubrowska. Arme venue du Koweït. Cannabis du Rockma. Je les entends chuchoter. Où est la relève par les temps qui courent. Amenez-les, amenez-les moi. Alliés au cheval de Troie. On est fort. Balewing du Mouet. Envoie la Zubrowska. Arme venue du Koweït. Cannabis du Rockma. Je les entends chuchoter, où est la relève par les temps qui courent. Amenez-les, amenez-les moi. Allez au cheval de Troie. Révolution urbaine. Révolution urbaine avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock avec ce morceau qui s'appelle Zubrowska. Extrait, c'est le morceau, l'un des morceaux les plus street, je pense, de notre album. Donc c'est un morceau qu'on a grave kiffé à faire. C'est une prod de Isaac Beat, toujours. Le gars qui a fait No Life, le gars qui a fait Je Bloque, etc. etc. Voilà. Cheval de Troie, ça sort lundi. On le découvre cette semaine entre 20h et 21h. Tout à l'heure, du gros live qui se prépare. Grosse session live à pas louper. Gros live. À pas louper avec beaucoup de Marseillais qui seront là. Qui vont pas, que des Marseillais pratiquement. Il y a que ça. Il y a des Parisiens aussi. Il y a des Parisiens et la famille. C'est BR Click de Paris. Il y a Alain Omaïk, il y a Livka, il y a les potos. Il y a Gaza, il y a Gaza, tout le monde. Les guéris. Ils sont tous arrivés. Il y en a qui étaient en voiture et tout. C'est bon, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est arrivé. Bon bah très bien, bah, loupez pas, ce sera d'ici quelques minutes sur Skyrock. Est-ce qu'il va y avoir aussi une tournée pour cet album Révolution Urbaine? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de questions qui se demandent. Sincèrement, ça dépendra de l'accueil du public pour notre album. Plus notre album marchera, Inch'Allah, et plus il y aura l'occasion qu'on fasse des dates et que ça tourne et que ça continue à faire de la bonne musique, Inch'Allah. Là, il y a un truc sur Paris, non? C'est ça, week-end. Samedi sur Paris. Au village russe. Ouais. Donc avec CBR Click, Révolution et CBR Click au village russe. Je crois qu'on a toutes les dates à présenter. Après, tu nous retrouves à Bordeaux, dates. Si c'est vrai. Au dimanche. Je suis en train de se caler. Ouais. Montpellier. Le 17 mai à Montpellier, au White Club. À Montpellier, dans une boîte de nuit en showcase. Et après partout, ça se calme. Marseille, Lyon, Brest, Nancy, on va essayer d'arriver. Il y a des gens qui disent, Julia qui dit passer à Bordeaux, venez nous voir. On va passer. Des concerts dans le Nord, encore plus haut que Paris. T'inquiète. Précommande l'album et on passe chez toi, la famille, ça va. 41759 avec le hashtag rue sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Sur Skyrock, est-ce qu'on remet un petit morceau avant de passer au live? Moi, je pense qu'on passe directement au live pour qu'on puisse avoir le temps de rapper. Vraiment faire rapper toute la famille avec nous. Non mais tu parles de quoi, le live? Votre live à vous? Notre live à nous, avec toute l'équipe. Ah mais non, mais pas tout de suite, ce sera après la pub. Ah oui, c'est la pub sinon. Désolé, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tout le monde soit satisfait. Ne t'inquiète pas, tout simplement. On aura plus de 20 minutes, ça va, une vingtaine de minutes. C'est bon. On tient sur une vingtaine de minutes. C'est bon, on tient. Zino, ouais, mais Zino était parti, 20h08. Ça vient de commencer. On y va tranquille. Non, je me disais, est-ce qu'on met pas un morceau? Je suis en train de regarder le morceau qui a été le plus demandé aujourd'hui sur les pages et les réseaux sociaux de Skyrock, c'est La Provence. La Provence. Le clip est arrivé en plus mercredi, je me dis que c'est peut-être pas mal de le remettre maintenant. Très bonne idée. Ouais. Le morceau s'appelle La Provence. Le clip est dispo, là, il vient juste d'arriver depuis quelques jours. C'est tout frais, clip officiel. Et c'est aussi le morceau que vous avez le plus demandé pour Révolution Urbaine à écouter aujourd'hui. On le balance tout de suite. Révolution Urbaine. Planet Rap, Marseille, J-4, le 5 mai c'est dans les bacs, à Cos. Yeah. Un jour tu verras. En route vers le progrès, une politique d'un autre âge, à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent c'est fastoche. Boum boum, un homme est mort pour une sacoche, ou pire pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps, mais tout le monde s'accroche. Ils montent au créneau une fois que le sang est propagé, mais les requins n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Ici on en a rien à foutre de leur ministère, plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. J'ai voulu planer, les stupéfiants sont prohibés, alcool et suicide autorisés. La colombe est morte, il nous reste plus qu'à tout niquer. Étant donné qu'on rentrera pas tous dans leur comité, vous êtes fous, devant qui vous prosternez-vous? Jeune mouton, le berger est pire que le loup. Tu votes à gauche, hein, t'es brave, t'es un rebelle. Avec ton smic, t'es un esclave moderne. Je m'en bats les couilles d'être sur la liste, je fais juste le vrai travail d'un journaliste. Je dois taffer plus dur, je suis mal vu comme un salafiste. Les petits n'auront pas de futur, mais ils pensent que c'est ça la vie. Ils parlent d'art, mais veulent savoir qui vend le plus. Le savoir est une arme, ma culture vous tire dessus. Exilé partout, depuis l'apartheid. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. Celui qui braque taf à BNP, ils font exploser l'audimat sur la TNT. Ils parlent de Marseille, mais n'y ont jamais mis un pied. Et y'a comme un goût de FN à l'UMP. Le bâton du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crèchent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier. Pendant que ceux qui nous dirigent crient Ben Ali Boumaïe. Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, armes, arnaque, Dallas, pute. Barrage, ham, ça gratte la catapulte. On se croirait à Gaza en matant Canal Plus. Les mafias d'Asie, les bandes organisées. Les Roms veulent légaliser le vol d'organes, tu sais. Les skins et les nazis font leur bail discret. Le shit et l'extasie t'emmène à Walt Disney. Les écrits des journalistes, tu glisses. Que si t'es Souraya Bon Ali, le fisc te surveille, demande à Mélanie. Ton fils sera victime d'une anomalie. Ouvre les yeux mon ami. Une femme nue en Roumanie, des détenus au Mali. Des guerres et des manifs, un peuple nourri au maïs. Ici, ça fume la weed, personne joue à la Wii. Que des guns et des calibres qui tirent pour fêter la hit. Tu tease, tu smoke, époque no life. Tu sniffes la coke tout en sachant que la drogue t'aura. Bernard Tapie pour sauver le championnat. De Marseille à Manchester, demande à Cantona. Au chômage avec un doctorat. Tu seras pas la mère de mes gosses si tu mets du gloss, connasse. Un salaire en toc face à ton boss, gros lard. Tu veux faire le tour du globe, faut que tu bosses, connard. Quand lui s'est fait toc-toc face au gosse normal. Soit disant c'est de notre faute, vas-y pose ton arme. J'écris sur mon bloc-note ce qui cause ton mal. Ce que je raconte, je l'ai lu dans le journal. Clic, clic, clac, clac. Voici les symphonies qui font marcher au pas. Marseille s'embrase, c'est ce que disent les médias. Depuis que la pauvreté a balayé leurs lois. Discrimination, un affront à la nation. Nos habitants ne sont pas dans leurs habilitations. On vit que pour la réputation. Il manquerait plus que l'un d'entre nous, un plastique et un fourgon. Tu veux savoir ce que j'en pense? Rien vu que je marche avec les mecs qui font flipper la France. Connais-tu l'odeur de l'acide dans un bloc? Les seringues mortes, à 8 ans je côtoyais les tox, le proc. Distribue les peines comme du pain. Et moi je termine le mois au menu Larsen. Ici va tout va bien cousin. Et le centre-ville c'est patrie devant le guichet parisien. Le nord règne sur le trafic, c'est la loi du métallique. Saluer les parias en provenance d'Afrique. Le sud n'a plus rien de magique, balistique sur balistique. Et ta daronne croit toujours t'es le plus sage de l'équipe. C'est soit des cruels, ou soit la truelle. Et la crasse a recouvert toute la beauté de nos ruelles. Le duel entre mafieux et politique, où lequel d'entre eux battra des records niveau banditisme. Bloqué dans l'escalier, va savoir tout ce qui nous échappe. Je suis l'allié des damnés, donc on t'invite à ranger ta plaque. Toute la journée dans les vagues, va leur faire croire qu'on a gobé toutes leurs blagues. Remballé, je suis vacciné, on n'est pas allé. Marseille, centre-ville, quartier nord, quartier sud, la Provence, yeah. Cheval de Troie, révolution urbaine. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Le 5 mai c'est dans les bacs. Et le 5 mai c'est où? Dans les bacs. Ah ben voilà. Ou alors maintenant, dès maintenant, en précommande, on peut y aller. Hein. C'est ça, pour tous ceux qui veulent soutenir, c'est toujours en précommande. On peut cliquer d'ailleurs, si vous commandez là l'album tout de suite, il y a la Provence qui arrive direct, non? Ouais, la Provence. No Life. No Life. Et qui écoutez? Et qui écoutez aussi, donc c'est le moment ou jamais d'y aller. 41759 pour laisser vos messages. Le hashtag russe sur Skyrock, révolution urbaine avec nous. Donc dans quelques minutes, on va attaquer ce gros live. C'est ça. Rappelons un petit peu qui est là, qui est venu de Marseille pour ce Planète Rap avec vous. La donc, Guiri Mafia. Est-ce que la Guiri Mafia, ils sont chauds? Il y a l'équipe de Gaza qui sont là aussi. Est-ce que Gaza, ils sont chauds? Ils sont derrière, 11-43 ils arrivent, un main au mic, CBR Click, Cliff Napo, Alain Aquino. Voilà. Et bah à découvrir CBR Click. Dans un instant, ce sera en live. Et il y a quelques minutes, Machiavel a posé une question. Rappelle-nous un petit peu cette question, Machiavel. Donc à quel moment bon retrouve-t-on le chinois de la pochette dans le clip No Life avec Soprano? Et nous avons Romuald par téléphone. Allô Romuald. Oui allô. Ça va bien Romuald? Oui. En forme? Ça va. Bah, je te présente Révolution Urbaine, ils sont là avec nous. Ah bah ça, ils écoutent. Voilà. Romuald, il y a eu un coup d'émotion, il dit... Ah bah c'est... En fait, j'écoute depuis le début qu'ils ont fait du rap et franchement, ça fait... Ça fait vraiment on sent c'est palpable, il y a une émotion Romuald, donc on comprend. Donc cas, toi tu les suis depuis le tout début en fait. Ouais, depuis le tout début, instant de survie et tout ça. Et... Ah ouais. Et 2009. Tu as été un des plus rapides à envoyer la bonne réponse. La bonne réponse donc, qui est la suivante, Romuald, à quelle seconde apparaît le chinois qui est aussi sur la pochette? C'est 29 secondes. C'est ça. On pouvait accorder 28, 29. Il y a un petit décalage horaire parce qu'on a vu des réponses avec 28, mais c'est ça, 29 secondes. Tout dépend des lecteurs, mais a priori, ouais. 29 secondes, c'est ça, hein, avec le Monopoly? Ouais. Eh bah écoute, parfait, bravo, l'album dédicacé de Révolution Urbaine, on te l'envoie. Ah ça c'est un bon cadeau. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose, petite question, faire une dédicace? Bah déjà bravo, parce que franchement c'est bon, c'est les meilleurs rappeurs du moment. Merci. Ah merci. Merci frère. Parce que bon, quand on écoute la Provence, il n'y a que de la vérité. Ça fait super plaisir. Et puis bah voilà, bravo à eux et puis merci. Merci à toi. Eh ben, bravo à toi et merci d'avoir appelé, d'avoir envoyé un message. Vous avez été nombreux encore à répondre à cette question. Demain, dernier album dédicacé, soyez là entre 20 et 21. Et soyez là juste après la pub puisqu'on revient. Il y aura freestyle par téléphone. Il y aura freestyle par téléphone juste après la pub. Et après, le gros freestyle dans le studio. C'est ça. Avec l'équipe marseillaise. Bougez pas. Comme toi, révolution urbaine a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Révolution urbaine sur Skyrock entre 20h et 21h avec un gros freestyle qui se prépare dans quelques minutes. Mais juste avant, il y a aussi le freestyle par téléphone avec Jamboy de Creil. Allo Jamboy. Quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille, au calme, on est là. Oh, on est au calme aussi, pareil, aujourd'hui c'était repos pour toi, Jamboy. Ouais, on est au calme, on est posé. Hein. Bah, très bien, on va t'écouter rapper alors. Y'a pas de problème. Session freestyle, c'est toi qui ouvre la session freestyle maintenant dans Planète Rap, c'est parfait. Yeah! Haha! Get it, Jamboy! Yeah! Haha! Je vais pas dire comme un fossile, j'ai pas un milieu hostile. Mes parents m'ont rendu docile, ça ne fait pas de moi un homme facile. Les jeunes m'ont pris pour type, en pensant me rendre fébrile. J'ai visé dans le mille en mettant de côté les gens utiles. Malgré les problèmes de la vie, je me suis pas mis à l'abri. Je suis resté positif malgré tout ce qu'ils m'ont dit. Je suis pas abasourdi, car je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai commencé petit, je suis vers fatigué, qui me suis dans un monde inconscient. Sois intelligent, aujourd'hui pour des mots, tu te retrouves dans un bain de sang. Je te conseille de rester prudent, tes choix peuvent être conséquents. Aujourd'hui t'es innocent, mais les peines sont à pour penser qu'une question de temps, très reste élégant. Si c'est qu'une question d'argent, dis la cage ou l'élégant. Victime de ton insouciance, tu prends tes potes comme influence, tes proches comme assurance et ta famille fait les conséquences. Tu dis avoir tout vu sans avoir un découvert. Tu dis être millionnaire, mais ton conflit t'a découvert. Les temps changent et les humains deviennent mauvais. Il est temps que tu ranges avant que la haine prenne effet. Tu connais la devise, tu sais ce que je vise. Visez le sommet malgré toutes ces périodes de crise. La politique nous rembarque, malgré ça, tu regardes des sondages. En pleine crise économique, c'était grâce à sa paritage, la violence est n'appuie. Quand la rue t'a fait en otage, tu veux grimper des étages, mais ton rack les marches dans ta cage. T'enchaînes les conneries et les braquages pour trembler loin dans l'espace. J'ai des jump boy. Ok, Jump Boy, à l'instant près. Yeah. Bravo à toi, Jump Boy. Merci, bravo la famille. Oui, bravo, bravo. Et merci. T'as les petites dédicaces, les petits messages à passer. Petite dédicace, bah déjà pour tous ceux qui ont entendu mon freestyle et ceux qui veulent continuer à voir ce que je fais, vous allez déjà sur ma page Facebook qui est Jump Boy, D-J-A-M-B-O-Y. Donc voilà, j'attends un maximum de soutien. Je fais une dédicace à tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui me suivent. Et une petite dédicace à la Révolution Urbaine parce que franchement, vous assurez. Merci la famille. Et une dédicace à Skyrock aussi, un grand merci. Eh ben merci à toi, Jump Boy, et Rancard dans les bacs dès lundi avec l'album Cheval de Troie. Messieurs, vous êtes debout? Tout le monde est debout dans le studio. Les images, vous pouvez les mater tout de suite hein, sur le skyrock.fm. Allez-y, vous allez voir qu'on est quelques-uns dans le studio. On est prêt. Machetant, tu es prêt toi? Allez, coup d'envoi de ce live maintenant. Gros live dans l'émission. Yeah, yeah. Est-ce urbaine. Que Skyrock c'est chaud dans la plaie? Ça fait révolution urbaine, révolution urbaine, révolution urbaine, révolution urbaine. J'ai le pouvoir des zonas et jusqu'en Arizona, à la recherche du bonheur, il me faut des euros, des dollars. J'ai le centre-ville, bam, rue d'Aubagne, rue Pola. Je finis ta fée à Lidl, ni être celui qu'on idolâtre. Passe mon temps à picoler, comment veux-tu que je décolle? Ils veulent me camisoler, je suis pas un cas isolé. Ne venez pas vous étonner si je leur mets des coups d'épaule. Pas de coups d'épée dans l'eau, j'accouplé et un coup d'école. Cheval de Troie dans les bacs, non, tu t'attendais pas. On vient percer les tympans à tous ceux qui nous entendaient pas. On prend de haut tous ceux qui font des messes. On a les classiques en Clio et on repart en Maybach. En Marseille, on se balade même si c'est pas les Bahamas. Voilà l'étalage, trafic de cam et de camagra. De Noaya, la cala, demande aux gars de Paname. Montez dans le Canada, exilé jusqu'au Panama. Centre-ville, carrément, les Roumains jouent des maracas. Sahari, des Karima et des Tarbata Caracas. Parfois ça dérape, pisté par la caméra. Dans la soirée, ça claque le salaire à 4 méras. Yeah, révolution urbaine, dealer. Révolution urbaine, cheval de Troie. Okay. Au fond on est tous in. Dommage que l'homme est faible. L'homme est faible. Seulement ils savaient tout ce qu'on pourrait faire. J'ai de la patience pour réussir. Pas de bif ni de courte échelle. Mais l'aura de la bonne mère passe de loin la tour Eiffel. Et je ne suis pas in. Conscient que tout s'achète. Les cœurs ne parlent plus. On ne réfléchit qu'avec la tête. Et j'ai vu qu'ici bas tout se vend, tout s'achète. Des fois on ne réfléchit pas. On avance, on s'arrête. Je veux pas d'une meuf comme Shine. Juste des moyens constats. Essaye d'imaginer la misère sur une carte postale. Tu poses des bouteilles en bois, tu vends comme l'eau potable. Alors évite de me comparer à tes rappeurs. Je tape la concurrence, le shit les a ramollis. En train de rêver d'or, les sourires et les doigts jolis. Nous on se la bute, whisky, cash molly. À quoi bon s'exciter, on sait déjà ce qu'il y a dans le colis. Les plus fous me diront que c'est de la folie. Dans leur tête, l'esclavage n'est pas aboli. Tout pas les costauds, 200 kilos de mètres. Un couteau dans la gorge, on te reverra plus demain. Yeah, wow, wow, wow. Skyrock, ça va ou quoi? 19ème, c'est le clip pour le son. J'ai de la verdure dans le verre pilé. Sous joint d'herbe fruité. Quartier vert fumé. Il ne reste plus qu'à me faire sucer. Marseille CV pour la dédicace CV. Espèce CP. Crache le bif pour notre CD. Les petits tiennent la carabine. On se en trois gabardines. Mauvais shit, bière fine, trip. Le soleil des Caraïbes. Je m'empêche sous caipirine. Je vis sur ton carré. Vote à bouteille plastique. Je suis au four cuisine. J'ai de la blue magic cristalline. Autour de la piscine, un tas de gros boules qui bronzent des cuisses. Leave me bitch, please. J'attaque la l'avenir se dessine. Kitching sweet, j'en ai le cerveau qui se calcine. Tends pas la main aux adversaires. J'suis en prospère, t'es en poste pour qu'un te l'insère. On voit qu'on se suivra pas du dessert. La droite à Coster ou la patata Yvan Sorel. L'esprit ténébreux, parlons billets, parlons hébreux. On sait que l'argent sale a soigné beaucoup plus d'un lépreux. Stop les excès de zèle et viens t'asseoir gentiment. Rappelle-toi que les erreurs partent toujours d'un bon sentiment. Rien à foutre de la gloire et de la célébrité. À la concurrence, je donne à boire, ouais, je fais preuve de charité. Marseille, Kingston, la mort s'en bat les couilles de quitter. Déjà sous Winston, qu'est-ce que je ferais de la coke à Whitney? Je passe tellement de temps dans la rue, c'est comme si j'y habitais. Y'a pas de meilleur moment que celui où je devrais la quitter. On avance les yeux fermés, seul Dieu pour nous guider. Pas comme ces rappeurs téléguidés, à 20 sur une idée. Je fais que de baiser le rap en le vrai sous mes draps. Oui, comme une chienne qui veut pas pépon, elle se soumettra. Pour que la rue s'élève, on vit avec des cons, l'esprit fermé, la bouche ouverte. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Skyrock, vous êtes là ou quoi? Tout le monde, tous ensemble, ça va faire tout ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand on s'appile, on arrive. Tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. Tout le monde, on arrive. On a la fusée, satellite. C'est la maison, mère, mère, mère. Quand on s'appile, on arrive. Tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. On a la fusée, satellite. C'est la maison, mère, mère, mère. Marseille, centre-ville, etc. Le seul endroit où tu verras des BCPG et des rats. J'ai jeté mon cartable, vodka, PR et pétard. Je représente ceux qui cadent au CPR et qui commence à tirer, on arrive. C'est le Real de Madrid contre les Canaries. Donc retiens bien ta part, on va faire preuve de barbarie. On va vous râler comme les Qataris. On s'affiler, on arrive. Tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. On rappe depuis la fusée. C'est la maison mère, mère, mère sur orbite. On arrive, tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. On rappe depuis la fusée, satellite. C'est la maison mère, mère, mère sur orbite. Ici c'est RUE en direct de Kingston. Je m'installe accompagné de mon code. Centre-ville, c'est la guerre et seules les balles résonnent. L'explosif, on détonne nos nocifs. Fais tous les citer, j'ai le cartel et la vibe. Les grenades pour tout couler. Je suis dans la strat à meute. T'as cru pouvoir nous duper. T'es crié comme les phobies et que je suis passé enculé. Nous raconte pas tes blagues. Terminé, on arrive sur la ville, toutes les lumières sont allumées. Enfin, tout le monde à terre, oui c'est la guerre. On veut la paix, faut que tu te fasses à l'idée. Accepter les défaites n'est pas une fatalité. J'ai trop resté bouche bée. J'ai vu ton père tes chicots. Je crois que la relève ne se relèvera pas de sitôt. Rien que tu racontes des pipons. Fumé comme un toxico. Ta femme finira veuve et moi je pète un peu de clicot. On arrive, tu vas te faire fumer. C'est la Jamaïque. On rate depuis la fusée satellite. C'est la maison mère, mère, mère en bille. On commence à piler, on arrive. Tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. On rappe depuis la fusée satellite. C'est la maison mère, mère, mère sur orbite. Ouais yo, ouais yo yo yo. De 3 le 5 mai c'est dans les bacs. 3 le 5 mai dans les bacs. Gros big up à tout le rap marseillais. Alain Aquino, Napo qui vont débuter ce freestyle. JJ Marseille, vous êtes toujours chaud. 9ème Ourc. Aïe, 19ème. Sont comme un culpa, on cherche l'air dans le tube, je nuis. Que des compliments, tais-toi, ton heure de mon jus. T'as pour la plupart, j'ai fissé. Leur père de seuf est tilté. Que beaucoup de meufs ne sont que des chaînes de la caste aiguisée. Pas le temps de vous laisser indécis. Je me dois triste, agressif. Si tu rap comme un acteur, la street récile ton contrat. Il est compris, c'est apprécié. T'es trop près, c'est imbécile. Si tu parles que de rappeur, seul un rappeur te comprendra. Depuis 4 piges, je pratique, je fais de la zik. Mon habitat, je fais pas le pi. T'es ta clique, nous c'est une chaîne ou ravitage. Je palpite, je décapite. La bleue devient la carte vitale. C'est casse-pipe, tais-toi, je kick, Marseille devient la capitale. Faut qu'on prend une décision, c'est pas la forme qu'est-ce qu'ils ont. J'dis le pas de cannabis, c'est psychanalyse, m'analyse, j'en ai fait en forme précision. C'est à oser nous trouver nains, mauvaise estimation. Voir nos têtes en finale, finale sera leur destination. R2B dans la maison, on ramène le bourreau. trèfle à quatre feuilles brodées sur le polo. Tu connais ce logo poto lourd gang. Qui fait le boulot, hello, hello, Napo, rouge bête. D'après les écolos, Marseille c'est nous fiesta. Avec 4-5 côtes, on casse des côtes en spectacle. Du pain sur la planche depuis le temps, le leur est raciste. Ils critiquent, mais demeurent assis. Reflet de ma génération, comme c'est un police. La paire de Asics laisse les saliver sur le succès, mais quelle idée. Ils pensent plus à faire du buzz qu'une musique de qualité. Validée dans le centre-ville des quartiers sud au QNC. Qu'a tué le move, c'est l'irrespect. La gratitude au TMC. Moi c'est ma vie que je ressasse sans fantasme, mais sur ce que je voudrais être. Vous qui faites le contre Eric, quand on vous narre les faits réels. Mais je connais ceux que j'écoutais, je les aime tellement vraiment moins. S'ils couraient aussi vite que je les emmerde, ils seraient sûrement loin. Dieu. LAPO, Alain Aquino, Merci Masson, 26 mai, Révolution Urbaine. 22, 3, le 5 mai. Prêt. Hier, 19e, quartier Nord, Marseille, Paris. Flex. Dieu, écartez-vous, poussez-vous, garez-vous, garez-vous. Dieu. Giri Mafia. N'oubliez pas tous les mecs du parc. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Soir se frémé tout est camouflé. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Soir se frémé tout est camouflé. Sous le videur, vide ton chargeur sous le videur. Sous le videur, vide ton chargeur sous le videur. Sous le videur, vide ton chargeur sous le videur. Quand même si fait comme un buteur, mon drapé passe dans les ligues. Vendredi matin, bagot rentre en boîte. 3h tape un timbre avec le videur. Échange coup de patate, il sent la patate. Ratatata, vide lui tout ton chargeur. Sorti mal à mêle, prêt à tout faire, manger la gamelle. Manger la gamelle. En bas de la chapelle, dégage les courses comme une paire de mamelles. Paire de mamelles. Si tu te rappelles, Malka, le loup manque jamais l'appel. Jamais l'appel. Les gars sont là pour vous faire la fête, tant qu'est pressé comme la pâte basse. D'où je viens, c'est plus chocal 4. Ce qu'on veut, c'est du bif, t'as rien à foutre de tout tes paperasses. Morfler, prévenez-les qui vont morfler. Morfler. Les potos qui ont bu un peu trop. Ceux à qui j'ai pas osé crever les pneus de la moto. Potos, c'est la haine porte, j'ai intérêt à faire du sel. Faire du sel. Ma vie s'appelle, moi t'es enterré avec une peine. Avec une peine. L'émotion t'amène dans le sens inverse à ta peine. À ta peine. L'émotion amère, tu passes au ciel. À ta main. À ta main. Les coups de gros, on s'accroche à tous les coups de croche et les coups de croche. Je reste droit malgré beaucoup d'ordures. Taxe et pro, jusqu'ici oui, on s'en sort plus. On s'en sort plus, on s'en sort plus. C'est la rentrée alors rentre dedans. Prends les physio à coups de crosse dans les dents. On vit, on meurt selon qu'on ne passe. Les gens gros sont durs pour les gibans. Même les mineurs font des majeurs. Vite ton chargeur sous le videur. Tout ton chargeur sous le videur. Tout ton chargeur sous le videur. Même s'il pèse comme un tank et mesure 2 mètres. Pas tant ce qu'il fera tomber, mesure 9 millimètres. T'as pas besoin de fuir, la balle poursuit même à des kilomètres. T'as pas besoin de fuir, la balle poursuit même à des kilomètres. Sous le videur. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Soir se frémé tout est camouflé. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Prévenez-les qui vont morfler. Soir se frémé tout est camouflé. Faites trop je sois tape du coupier. Une grenade vient dégoupiller. On taffe dur pendant que tu penses qu'on est en train de roupiller. Dans le rap game, fais pas semblant. On est venu tout piller. La balle est dans mon cas, les ballons crevés au fond du fil. Hop là, tu m'as loupé ta tête dans le viseur, je veux pas te louper. Hop là, tu m'as loupé ta tête dans le viseur, je veux pas te louper. Sous le macadam en train de dealer. Si t'as pas de sous, tu peux te tirer. Ara et la BST, t'inquiète, j'ai fait un trou dans le filet. Prenez-les qui vont morfler. Prenez-les qui vont morfler. Soir se frémé tout est scamouflé. On m'a dit qu'il rit, faut te niquer. J'arrive proliqué, le vêtre très j'arrive proliqué. Le vêtre très j'arrive proliqué. Guiri dans l'attitude, on change pas nos habitudes. On a quitté l'école, football normal, on avait trop fait du. Si, pick up à tous les mecs du 9, du 9-1, 7-8. Tous les mecs du bois, tous les frères au bon maître. Paulo, Paulo Petit, Snoop, Zox, Amor, gardez la pêche les gars. Du parc, Petit, Paulo, Paulo. Ah, gros big up à la famille, de Saint-Constant. La Sam en mic, hein, c'est avec KDR, ALP, Calif, prototype building qui pris sur scène ma gueule. Chacal au D1. Ouais, ouais, ouais. Ça va graille. Sans les clips. Yeah. Ok. Amma au mic, ouais, je fais Moulin Dini. Nidal Nanterre. Vivre sur scène, Moulin Dex, te pavé, on est peu, on frappe fort. À roue comme les 300, sachant comme fâchant. C'est navrant, je graille tes MC comme des croissants. Couja, des choses qui disent pas. Nico va ma bombe, il aura que celle de Fouzia. Bouge pas, je crois qu'ils cherchent tous la mer. Tous mes gars ont passé à du blues, ramène. Je prends soin de mon flow comme un bijou. J'ai du foot, j'aurai le passement de Chabazizou. Zizou. Je rappe, ils sortent leurs yeux comme des hiboux. Je tape partout, les femmes, moi comme Sirou. C'est jour de colère pour mes soldats. La focus à la vue pour pouvoir enfermer. Libérer chacun les boules, les gros chics, t'as les boules à la tombe, t'as les boules de la fermer. Moi j'ai pas la fermer. Un juge qui perd ses preuves. Il tient là bientôt, nous on crève les crocs. Rap en crève, c'est moi, je lui en faire des preuves. Il y a ce haram qui flirte avec mon œuf. C'est pas les vacances des packs. Mais Yoro parle de son œuf. De son œuf. Passe la boîte, tu pas perso. Je suis dans le service depuis le perso. Ouais, pas balle, frère, j'ai perdu personne. Parle-moi de balle, sinon vas-y, casse-toi. Ouais, tu m'as connu, c'est Bercasso. Mon acolyte, c'est Kaiser Sons. Je prends la main et je me sens. J'ai un flot de bâtard dans ma maison. Hasta la vista, bitch. Ta bouche dans la bite, agite ta bite. T'es une meuf qui s'inspire et qui fait même 4 bis. Pour le reste, j'espère que t'as bien capiche. On fait la maille, c'est la haine qui oblige. Faut pas que le temps passe et que mes poches restent vides. Pendant que tu n'as haine, nous on tape dans le mille. Pour toi qui petit, à ma homique mille. J'aime pas dans les boîtes ni dans les chichards. Reste dans le bloc, livre-moi ma pizza. Blanc, blar, blague, le bif nous rend bizarre. Filoche en bail, j'ai les techniques de ninja. Wata, trop tard, je suis dans le game comme Waka. Floca, serre-moi un verre de Fanta. Floca, ça a pu vivre. Les chercher sans cesse à l'arrière comme les focas sur le dos. Les gens pédro, trop de pète, c'est un fardeau. Ils respirent plus à chacune d'elles. La concurrence a des peines de cardio. Pour les 6 gros, parle que de bouteilles. Sans perdre de yoga dans mes orteils. Ça gratte comme les orties, on est sorti. Le gros, tout bien gris, non, bah, escorti. Toute ma vie pour le PSG, même quand ils étaient monégasques. Si un jour je pète le million, les gars, je deviendrai monégasque. La drogue, ça se monégasque. J'ai grandi dans le deal de H. Ils veulent qu'on tourne à la page. Mais c'est impossible. Peut-être te pardonner, mais je suis pas de ceux qui oublient, mec. J'ai un décis et péril, mais pour un bécile atterrit. C'est un virus qui périt, c'était chez Charvet qui périt. En manque de chance, je roule un trèfle à quatre feuilles. Pas années, c'est pour fumer le bénéfice. J'en remplis le portefeuille. Méfie-toi ton entourage, mais ma poteau, ça porte l'œil. J'ai tellement de vis que je peux tuer, poser une roue sur ton cercueil. Et je prendrai dans tes bras. Ta soeur, ta mère en pleurs, et je leur dirai de ne pas avoir peur. Que je retrouverai l'assassin. Pour l'instant, je drague sa soeur. 0-9 dans le pleurage, je suis pas encore dans l'assassin. La pierre du nerf d'accord. Bienvenue dans le sous. C'est nous, on a le cerf de la rue. Ça s'éclate, voilà, t'es dans le sous. L'enfer qui vit, ça fout l'œil à la C4. La barre en vous. On aurait c'est le reste des pécans. Toujours près du fou. Yeah, yeah, yeah. Allez, Djirna, du sang. Yeah, yeah. Gaza, dédicace tous les mecs de PM. Au bombe, Mohamed. Je sais que tu m'entends, le Fabio. Dédicace à tout le monde. De Gaulle. Pour les mecs dans la ville, des carmes, yeah, tout ça. Yeah. Badri, on t'oublie pas. Libérez Badri, la famille. Djirna. Aucune crainte. Dans l'amour, je leur fais pas de fleurs sans abondance. Aucune crainte avec mes gars, j'entretiens une bonne dépendance. Pas d'inquiétude pour mes relations. Je suis avec des bonhommes et des mauvais garçons. Rien ne m'importe car j'ai rien à prouver à personne. Mademoiselle fait parler beaucoup d'elle d'après les échos. Gaza, connaît le cas, on n'est pas les échos. Le regard des autres groupes vers les profits, certains profils. Elle bouge son boule en faisant des pots, place à le prix des petites copines. Certaines nos gars sont carbonisés à cause de plusieurs rouleaux. Ensuite tout disparaît comme un médicament qui se dissout dans l'eau. Si la rue te fait perdre ton time, va trouver un boulot. Yeah. Aucune sortie de secours, y'a personne pour nous sortir du lot. Ces deux fesses font bien la paire. J'ai fait bien deux ou trois plongeons. Ces enculés tirent en l'air comme si leur ennemi était des pigeons. Était des pigeons. Je ne sais de quoi ça a l'air. Afro et armé jusqu'aux dents. On rafale à bout portant. Ta vie n'a rien d'important. Je me bavane dans leur secteur. Ils partent, ils aimeraient jamais me voir. Non, non. Je me bavane dans leur secteur. Je vise leurs jambes, j'accomplis mon devoir. Fais le malin, fais le malin, fais le malin, fais le malin, fais le malin, ouais, fais le nerveux. Fais le malin, c'est comme tu veux. Tu ne sauras ce que ça fait d'être vieux. Tous ces rebeux ne m'aiment pas. Non. Car je baise leur mère parfois. J'ai cette rafale venue de l'arme de mon coéquipé. De quoi te laisser en froid. Mettez, mettez-vous un doigt. Mettez, mettez-vous un doigt. Ces rebeux ne veulent pas d'histoire. Ratata, il était d'une fois. J'ai que cette fille, je sais que t'as un Proto des compresses, vas-y roule à jeune. Vas-y remballe, toi et ton rap à l'ancienne. Dire la Gaza, fais bouger toute la scène. Marre des flemmards, des dégâts que je commets. Demande à Reda, il serait temps que je grimpe au sommet. Je vérifie, je crois que t'es pas ben à sommet. Comme que des becs, non, non, non, j'ai pas sommet. Fais sort de genre, passe à mes refrains, les pets qui sont pris. Je suis dans l'espace, je veux de l'espèce. J'arrive près de la plage, je vais faire des grosses fesses. Demande pas pourquoi je rappe comme As. T'as pas peur de moi, t'inquiète, j'ai ma perdasse. Sale bouffon, tu te croyais Max. Je t'ai troué comme des Air Max. Révolution urbaine. Allez, toucher l'album, les 5 minutes, c'est Gaza. C'est Rite Fabulous, Belgique, on arrive. Gaza. Dédicace à tout le centre. La 7ème, sa 4ème, Ok. On a trafiqué les cartes dans le rap jeu. On vient creuser les corps, RUE en action. Depuis parce qu'on est jeune, ressent l'évolution. Grosse la révolution, là pour la démolition. Je crois que t'as capté, tu peux m'appeler capitaine. On va vous décapiter, on est dessus en tracteur. Je rappe décontracté, tout est contacté. Je fais tourner le track, c'est la révolution. Acte 2. Faut que tu imagines, je rappe comme une machine. Comme une attaque massive pour moi, qui c'est facile. Tu vas tester, vas-y les nazis, on va les gazer. Dédicacé aux zones arqués, on en va se rester assis. Non-stop, l'acte 2. Cogne fort, demande à Jilali, on est fuck. Fuck, même ta petite amie veut me bug. Yeah, révolution urbaine. Ça fait révolution urbaine. Ça fait révolution urbaine. Ça okay. Fait révolution okay. Urbaine. Minuit pile, cher de la douche. Monte sur le toit, grosse pile dans la bouche. Tu tues dans la couche. Nous pour des billets tout de suite, on accouche. Ils ne nous connaissent pas, on prend du plaisir en Espagne. Les petites sœurs, on les touche pas. Stérile devant les flics, on n'accouche pas. Souci, ragot, meurt dans la ville pour le magot. Locos, bastos, clic clic boum, c'est gratos. Plancher alcool, ça se bousille pour du matos. Plus va savoir, gros, plus personne n'en connaît la cause. Un délit de fuite, une prise de sang, demande à pas de la concurrence. C'est un peu comme un siège bébé dans une lampe. Ici gros, y'a pas de balance et y'a pas de mec. La joue rambolée et plie ma Inja Cobra. Finis par danser le tango. Bref, y'a tous ceux qui squattent le réseau, qui planquent le shit à la maison. Besoin de pesos. La juge demande une longue peine. Ne parlons pas de drame, on a des barreaux dans le crâne. Gros, la rue c'est pas la prison. Ils se sont eux les meilleurs. Donc ils vont tous partir les premiers. Tu fais le mal à nique ta mère ailleurs. Fermez votre cul, écoutez, apprenez. Je pèse toutes ces meufs et après. J'ai quitté ces losers et après. N'attends pas que je pèse lourd pour m'appeler. Les supers, ma putain, me palper. C'est la merde du moins ce que j'en déduis. Toute l'année, mon AK a servi. Pour baisser leur espérance de vie. Je me sape comme un étudiant. Pour 27, vous dire pas plus prudent. Je fume de bonnes herbes posées, je résiste. Je retire une table, j'apprécie l'instant. Bang bang. Bang bang. Yo. Des brocolis, j'en fertilise toute l'année. C'est l'unique chance qui peut me faire planer. Vous en êtes qu'à la moitié du parcours, je vous le dis. Enchaîner lourd, on va continuer, c'est Gaza, révolution urbaine. Allez pêcher l'album le 5 mai. C'est dur la team Gaza. Tu reconnais, l'ambiance est tellement froide dans Fit Ego. Et ton bonnet, je vais tous les étonner. Le game, je vais dominer. Pour moi, c'est que le début pour vous tous. C'est terminé. Pas gêné, déterminé. Sois pas gêné. TMT, c'est que c'est moi le meilleur de ma gêne. Faut que les haineux, les clients, moi je leur vends du haineux. De jour en jour, l'argent ça nous engraine. Rien à faire de mes journées. Je fais que zoner les enfants que zoner les oulous. Les victimes se font sonner les toxons. La poudronnée, c'est dur la Gaza. Bang bang, tu reconnais. De Gaulle, Naël, De Gaulle, Fabio, Hegel, Jess. Toute la famille à Gaza. Bravo, tout ce qui va par le petit Billy. On va rappeler à Rodolphe Pollard et les Blas au quartier. Gaza. Gaza est parmi nous. Guiri Mafia est parmi nous. C'est Berkley qui est parmi nous. Amen au mic. La plainte, ça c'est un. Il est Marseille, centre. Chacal au D1, ma gueule. C'était une grosse session live. Donc avec tous les invités de Révolution Urbaine. À l'instant, attention à ton casino. Attention, ça va l'air sévère. Kakonate. Merci à vous tous, en tout cas, merci pour cette belle soirée, à tous ceux qui sont passés. Merci à tout le monde qui sont passés. Freestyle. Voilà. Demain, tu pourras nous retrouver avec la CBR Click et toute la famille Gaza. Demain pour la dernière de la semaine. Voilà, et tous ceux qui n'ont pas pu passer aussi ce soir. 11h43. Il y a encore un gros live, c'est ce que vous êtes en train de me dire demain. C'est ça. Il y a énormément de familles qui sont venues soutenir tout le projet. Cheval de Troie, le 5 mai dans les bacs, Inch'Allah. Et bien, loupez pas. Pas tout le monde, Guiri Mafia. Loupez pas demain entre 20 et 21, un petit peu avant 20h. Et juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani, plus tes places pour la finale de la Coupe de France de football. Salut Sabrina de Dijon, ça va bien ? Salut, ça va et toi ? Bah ouais, je te présente Révolution Urbaine, ils sont là avec nous toute la semaine, Sabrina. Salut tout le monde ! Salut, salut ! Salut, salut Sabrina, prête à faire tourner, on y va ? Ouais, prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, y'a le foot, y'a Nawel Madani dans la roulette. Et pour toi, ça va s'arrêter sur la case. Stop. Eh ben c'est Nawel Madani sur scène. Ok, oh super. Ah ouais, ça te défend ce spectacle, tu vas voir, franchement. Ouais, grave, trop. Et il n'y a pas une ni deux, mais il y a quatre places carrément pour toi, Sabrina. Oh, c'est parfait, merci beaucoup. Elle est en tournée dans toute la France, vous retrouvez les dates sur le skyrock.fm. Ok, je peux passer une petite dédicace? Et on t'écoute pour la dédicace. Alors, je fais une dédicace à Sam et Brahma, à Lotti, à Sabrina et à Lamia. Eh ben et ça merci beaucoup Skyrock. Hein. Bisous, bisous à toi. Salut. Ciao, ciao Sabrina. Et eh ben merci à vous Révolution Urbaine. Merci à toi Fred. J'ai perdu Brigante. En même temps on a du mal à le perdre. On le retrouve facilement comme il est grand. Ouais. On le repère facilement. Merci à Machiavel, merci à Zino, merci à la Mèche qui était aux platines. Et à tous ceux qui sont passés en freestyle ce soir. Et n'oubliez pas la famille Cheval de Troie. C'est toujours en précommande pour tous ceux qui soutiennent le projet. Ça arrive le 5 mai dans les bacs et tous ceux qui le veulent déjà en précommande, c'est possible. Et rendez-vous demain pour le dernier jour dernier de planète. Jour. C'est déjà la avec fin. Avec encore de la famille. C'est déjà la fin. Ça va vite, hein. C'était très lourd. Mais exactement, c'est le début de la fin. Ça se parler, ce sera le début en tout cas d'une nouvelle aventure pour vous, puisque lundi, sortie de Cheval de Troie. Lundi. Et on souhaite bonne chance à cet album en tout cas qui sort lundi. On le découvre tous les soirs de la semaine. Merci à vous tous. Diffoul et toute l'équipe doit être là, paré. Et ouais, et en direct. Et en direct mai. Pour ce 1er mai, en effet. Et ouais, on sera là demain pour la dernière de Révolution Urbaine. Demain soir. Avant la sortie, lundi dans les bacs. Exact. Eh bien, nous loupez pas le rendez-vous. A priori, demain, gros freestyle, d'après ce qu'on a entendu. Bah, là, déjà, on a eu un bel aperçu ce soir. Bel aperçu, vous avez bien fait de venir le 1er mai, c'est bien. Demain, on va faire trembler les murs de Sky. Waouh. Tremblement de terre prévu. Tremblement de terre, oui. Tout le monde est prévenu, donc soyez là pour vivre en direct le tremblement de terre de Révolution Urbaine. C'est demain soir, 20h, 21h, dans Planète Rap, juste avant 20h. Ça démarre comme tous les soirs avec toi, Fredo. Et yes. Révolution Urbaine demain soir. Big à pas louper. Merci, les gars. Et rendez-vous demain, puis bonjour à vous, là. Bienvenue sur Skyrock. C'est parti jusqu'à minuit, vous pouvez nous appeler on en est direct. Tous là. Eh oui, on est tous là. Toutes les... Il est content le Fredo. Ouais, je l'entends. Ouais. Toute l'équipe est là, Romano, Lamari, Cédric, Momo, Samy, Karim, tout le monde. Et puis vous en direct. En plus, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Faites tout péter. Le 41759, les applis Skyrock. Allez-y, laissez-nous des messages si vous voulez passer dans l'émission. On se retrouve tout de suite après. Bah, Madame Pavouchko qu'on va retrouver là. Elle vient aussi. Eh oui, une confessionnaire. Quelle chance. On a une conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation de Black M qui vient nous voir en ce jeudi soir. C'est bien. Elle a sorti les dossiers. Ouais, elle sort les dossiers. Elle arrive dans un instant sur Skyrock après une petite minute de pub et on est de retour. Ciao, ciao. Salut Fred. Ciao.